Je suis avec le trio de Heavy Doom parisien Witcherius qui a joué hier tout court en Purple House. J'avais plus ce qu'ils avaient mis derrière. Écoutez, je suis super content d'être avec vous, même si j'ai malheureusement raté votre concert. Bah, déjà, est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes heureux d'être ici? Bah ouais, salut Nico, merci de nous rencontrer. Nous on est super contents d'être là parce que participer au Hellfest, même en scène découverte au premier album, c'est vraiment très très bien. Et on a vu plein de gens qu'on connaît, plein de nouvelles personnes et on rencontre plein de monde et puis on te rencontre toi. Donc ouais, on est super contents, on kiffe le Fest là. Super. Vous étiez déjà venu en tant que festivalier ou c'est vraiment la première fois que vous veniez? Ouais, plusieurs fois, on a dû le faire, trois fois. Donc ouais, c'est la quatrième. Ouais. Okay. Moi, j'ai fait qu'une fois avant ça. Mais il est plus jeune. Ouais. Aussi. Et du coup, vous avez un avis un peu global par rapport au Hellfest. Déjà, avant même de parler de votre avis et de votre expérience artiste, vous aviez déjà une vision positive, je suppose, si vous êtes déjà venu 3-4 fois de l'événement. Ouais, bah après, le Hellfest, c'est un peu la grande messe, quoi. C'est la grosse ref, le rassemblement métal en France et pas que. Et tu sais que tu vas pouvoir découvrir plein de choses. Tu sais que tu as toutes les grosses stars sur les main stage, mais tu as aussi toutes les grosses refs de nos styles Stoner, Doom, Sludge, Psyché sur la Vallée. Tu as forcément tout un programme très chargé sur les 3 journées, 4 journées. Donc, ouais, c'est clair que voilà. Enfin, le Hellfest, là, je crois que la réputation, elle est incontestable, en tout cas sur la prog et tout. Donc. Et du coup, forcément, en tant que groupe, c'est hyper important pour vous d'y être programmé, je suppose. Ouais, c'est super important parce qu'il y a plein de gens qui voient surtout le Hellfest, quoi. Pour eux, faire quelque chose dans le métal, c'est faire les grosses scènes et c'est notamment le Hellfest. Et c'est vrai que quand du coup on a eu ce créneau sur la Purple House et qu'on l'a annoncé, qu'on a communiqué, les gens ils nous ont tout de suite félicité de ouf et pour eux c'était vraiment l'achievement, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Nous aussi, mais oui, bon, voilà. Oui, oui. À vous êtes bien conscient qu'il y a d'autres dates qui sont tout aussi importantes. Ouais, ouais, il y a beaucoup de trucs, voilà. Très très bien. Et celle-là est aussi un truc ultra bien, mais bon. Ah, justement, cette Purple House, c'est la première année, donc c'est un peu une boîte noire avec une cage à l'intérieur. C'est quoi votre ressenti par rapport à déjà à cette scène qui est un peu donc spéciale et globalement par rapport au concert d'hier? Comment vous l'avez vécu? Comment ça s'est passé? Peut-être que tu réponds à tout, bah, je sais pas, c'est comme vous voulez. Non, mais on l'a très bien vécu. Il faisait très très chaud dans la boîte noire. C'était chouette d'être dans une scène, sur une scène en rond, au milieu de la pièce et dans une cage. C'était assez original et c'était très marrant d'avoir des gens tout autour de nous quand on jouait. Et ça s'est très bien passé. Le public était très réceptif et nous, on a vraiment kiffé notre concert. Et je suppose aussi que, enfin, en tout cas on vous le souhaite, que ça soit un tremplin pour pourquoi pas jouer en Valais d'ici 1, 2, 3 ans avec peut-être autre chose. Bah, on verra, on continue notre chemin et si ça se fait, on serait très heureux. Okay. On a beaucoup parlé de votre prestation de hier, maintenant on va parler un peu de votre groupe en lui-même. Moi, y a la première chose que j'ai vue quand j'ai préparé l'interview, et ça m'a fait plaisir parce que bah, on aime toujours ces histoires de frères et sœurs qui jouent ensemble de la musique. C'est pas tous les jours et donc c'est hyper cool. Donc ma question, bah, c'est comment vous êtes venu un peu à vous mettre à jouer de la musique en famille et est-ce que ça se passe toujours bien ou est-ce que vous avez envie de vous friter parce que vous êtes des frères et sœurs? La bagarre. C'est ça. Du coup avec Paul on est frères et sœurs, lui il fait de la batterie et moi de la basse. Au début on jouait pas forcément ensemble, on faisait chacun notre instrument un peu de notre côté et j'étais plutôt dans un groupe avec Antoine à la base et on a commencé à former un groupe, on avait un autre batteur et quand ce batteur est parti on a décidé d'implémenter Paul dans le groupe un petit peu. J'étais assez grand. T'avais quoi quand tu nous as rejoint, 18 ans Je crois que j'avais 17-18 ans. Ouais. Il était assez jeune et voilà, c'était ses premiers moments vraiment en groupe. Ouais. Bon, après j'avais déjà joué un peu, mais vite fait des petits trucs, mais ouais c'était le moment décisif, on va dire. C'est ça qu'on savait pas trop au début parce que. On ne savait pas trop au début parce que c'était le petit frère de Lucie avant tout. Et d'intégrer Paul, en fait, finalement, ça l'a fait tout de suite quand on a joué ensemble. Et c'est pour ça qu'on a continué. Et voilà, ça s'est fait un peu naturellement là-dessus. C'est vrai qu'au début, le truc de petit frère, on savait pas trop. Mais en fait, dans le poste de batteur, ça l'a très bien fait. Et puis moi, je voulais jouer dans un groupe, donc voilà, ouais, ça l'a fait. Il fallait bien quelque chose. Ah bah c'est top. Si ça se passe bien, en plus, c'est génial. C'est une vraie expérience de vie en famille, en plus, donc c'est top. Un petit problème technique fait qu'on n'a pas la fin de l'interview réalisée au Hellfest, mais vu qu'Antoine est super sympa, il a accepté de revenir en visio pour compléter cette interview. Merci Antoine. Bah, je t'en prie. Ouais, on n'est plus Hellfest là, je sais pas, parce que t'as un t-shirt Hellfest, donc je savais plus trop. Ouais, on essaie de rester dans. On est raccord, on est très raccord. C'est ça, on essaie de coller à tout ce qu'on a vécu. Donc ma prochaine question était liée un peu à ce que vous faites, à savoir un heavy doom très influencé Black Sabbath. Mais qui a tout de même une identité propre à votre groupe, notamment avec cet équilibre entre votre chant masculin avec le chant féminin de Lucie, qui change de Black Sabbath déjà, par exemple. Je voulais savoir quelles étaient vos principales influences et comment vous composiez, comment vous... un peu comprendre comment vous créez votre musique, en fait. Ouais, alors au niveau de nos influences, c'est sûr que bon, on a une base commune que t'as évoquée, c'est évidemment Black Sabbath. Hein, c'est toute la musique qui tourne autour de ces gros riffs assez heavy, encore un peu bluesy dans le style. C'est vraiment ce qui constitue la base de notre musique. Après, on a aussi chacun nos façons d'approfondir le truc. Tu vois, moi, j'ai été très Avatarium pendant un temps, ce qui permet de pousser les riffs qui sont toujours doom, mais un peu plus lyriques dans le style. Je crois que la ref la plus commune au groupe, c'est quand même Mastodon. Ça, c'est un truc qu'on adore, notamment Paul. Je crois que ça se ressent aussi un peu dans son jeu de batterie. Il y a un truc qui est très travaillé chez Mastodon. Lui, il va avoir des goûts beaucoup plus proggy, des choses qui vont toucher à The Ocean. Il adore Steven Wilson, des groupes comme ça. Ah. Lucie, il y a de la dark folk, des choses comme Emma Ruth Randall, il y a aussi du hardcore. Voilà. Alors, moi, je suis très fan de tout ce qui est un peu plus moderne, un peu plus metalcore. Les Architects, les Ginger, les Parkway Drive dans les grosses refs, Landmark, ces trucs comme ça. Donc ouais, on essaye de se nourrir de tout ça. On peut pas. C'est comme quand tu fais un mix-check, tu peux pas mettre n'importe quel ingrédient, ça peut dégénérer. Mais on essaie quand même de puiser un peu tout ce qui peut être intéressant pour nos morceaux, pour les prochains morceaux, et de se dire tout a globalement déjà été fait, parce que il y a eu tellement de groupes et tellement de chansons que ce serait trop pompeux de se dire nous c'est vraiment nouveau. Mais on essaie quand même d'apporter au moins un truc qui nous ressemble et qui fait quelque chose de stylisé un peu différemment du reste. Et voilà, après sur la façon dont les morceaux se créent, c'est assez classique. C'est en général c'est Lucie ou moi qui amenons une mélodie à la guitare. Lucie, c'est souvent, ça part souvent de la guitare acoustique, et moi, c'est plus des riffs en électrique. Et après, une suite d'accords, un début de mélodie, de voix, de texte, une idée, une émotion. C'est de plus en plus embryonnaire. Sur le premier album, les morceaux étaient quand même assez travaillés quand on les amenait en répète pour commencer à les revoir ensemble. Vraiment, il y avait des couplets, des refrains, etc. Et c'est de plus en plus, qui me fait penser à ça, j'aimerais bien parler de ça. Je pense qu'on a moins de temps avec tous les concerts, on a moins de temps de préparer les choses. Et du coup, on se retrouve des fois à des sessions, c'est la répète et on y va à l'instant. Et ouais, après, une fois qu'on a cette base, tu vois, chacun apporte ses idées, dit ce qu'il aime ou il aime pas. Même Paul, hein, je dis même Paul parce que Paul, c'est le batteur. Mais et quand on aborde les mélodies, même lui va pouvoir des fois nous sortir de certains problèmes de composition en mode, bah, moi, je verrais bien un truc comme ça, peut-être essaye ce truc et tout. Et c'est ce qui est très cool, en fait, c'est que je trouve que c'est assez collaboratif et de plus en plus collaboratif, pour le coup, sur les sessions de compo. Ouais. En plus, j'ai entendu un mot qui m'a beaucoup intéressé là dans ce que tu as dit, c'est que vous composez souvent par rapport à une émotion, par rapport à une sensation, etc. Et c'est vrai que vous avez justement des thématiques qui sont J'ai noté la perturbation psychique, les vices humains, les destins un peu funestes. Enfin, c'est des trucs qui sont assez traditionnels, un peu doux, mais qui sont, qui peuvent toucher n'importe qui aussi. Donc, je trouve ça très intéressant que dès le départ, en fait, votre processus de composition parte de cet état-là et pas que vous rajoutiez des paroles qui viennent juste matcher au style on fait du doom, donc on veut être donc on veut forcément parler de la mort ou parler de quelque chose de très tu vois, perturbé comme ça. Vous avez des qu'est-ce qui vous inspire un peu toute cette noirceur aussi, parce que moi, je suis prêt à vous payer une séance de psy si jamais Écoute, perso j'ai déjà essayé et, j'ai continué le doom, donc voilà. C'est peut-être le meilleur des psys. Ouais, je pense que c'est un peu, tu vois, quand tu fais ce genre de musique, c'est aussi que c'est ton caractère, quoi. C'est pas forcément une passade. Je pense qu'il y a des moments dans la vie où t'es un peu plus mal dans tes pompes qu'à d'autres moments, et c'est pas forcément parce que t'es tout le temps en dépression, mais il y a une certaine constante. Il y a une certaine constante à voir la difficulté dans les choses, à voir ce qui va pas, et à ressentir plus facilement les mauvaises émotions que peut-être d'autres gens qui sont attirés par d'autres styles de musique ou qui font carrément d'autres choses. Et en plus, là, on est gâtés avec ce qui se passe dans le monde. Quand même assez anxiogène, entre le climat géopolitique, entre tout ce qui se passe sur les questions d'écologie. Donc je crois qu'on n'est pas tiré d'affaire, il y a encore pas mal d'albums qui vont venir. Mais bon, sans rire, c'est, en tout cas, c'est vraiment la façon dont on exprime tout ce qui va pas. Quand voilà, il y a du stress, il y a des doutes, il y a des choses qui vont pas. Vraiment, le truc qui fait du bien, c'est de crier dans le micro, c'est de faire des morceaux qui font que tu sens que c'est lourd, tu sens que ça va faire du bien de le balancer. Et puis parce qu'on aime la musique, quoi. Et ouais, je crois que, tu vois, perso, le peu de fois où je prends une guitare acoustique et je joue des trucs plus légers, je m'en lasse vite, en fait. Ça m'intéresse pas autant. Je pense que c'est juste que ça me reflète pas. Je pense qu'on est tous les trois. On a tous les trois un côté sombre qui est un peu plus présent que le reste. Et je pense que là, c'est pour ça qu'on a atterri là-dedans. C'est pour ça qu'on continue. Et c'est pour ça qu'on se sent bien dans cet univers sombre, noir. Ah bah, après, je suis d'accord avec toi. Il y a un côté très... quand ça te prend, tu peux y revenir encore et encore sur la musique. Là où quand ça t'ambiance, on va dire... c'est plus c'est la fête, c'est ceci, bah, ça devient plus facilement jetable, plus facilement on l'a écouté, on passe. Mais je suis assez d'accord avec toi que quand c'est prenant, tu y reviens. Ouais, c'est ça. Vous avez eu pas mal de dates en France là depuis un an, vous avez même fait des festivals à l'étranger. On peut dire que ça se passe super bien pour vous en ce moment. Au niveau du groupe, donc on parlera un peu après de vos dates à venir, tout ça, mais comment vous vivez cette ascension? Alors, toute proportion gardée, on peut pas dire que ça soit l'ascension fulgurante voilà, non, mais c'est, vous êtes pas en train de faire une Sleep Token qui sort de nulle part et qui est en train de deadliner des festivals de taille mondiale, mais vous avez quand même une courbe ascendante qui est, je trouve, quand même géniale pour vous. Ça arrête pas de monter, les gens arrêtent pas de dire du bien de vous, de votre musique. Comment vous vivez justement cette chose que tout le monde en fait est derrière vous, vous soutient comme ça? Bah déjà, on est très reconnaissant parce que ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment chaud au cœur que l'album ait été bien reçu, tu vois, je voulais vraiment qu'on fasse quelque chose de cet album, parce que quand on l'a enregistré et qu'on était enfin en enregistrement, qu'on l'écoutait, je crois que c'est là où on a été tous les trois pris au trip, parce qu'on s'est dit, ça nous plaît, on y croit et on a envie d'en faire quelque chose. Et moi, je voulais pas qu'on fasse trois dates et puis c'était tout, parce qu'encore une fois, je voulais en faire quelque chose. Et là, ça va faire 2 ans qu'on tourne dessus. Avec tout ce qui est prévu, on aura fait dans les 70 dates sur cette tournée. C'est pour un groupe de notre niveau et qui fait son premier album, c'est quand même incroyable. Pas incroyable dans le sens je me jette des fleurs et j'adore ça, mais incroyable dans le sens je pensais vraiment qu'on n'arriverait pas à faire tout ça et j'en suis vraiment très content. Et ouais, c'est vraiment un bonheur de pouvoir aller partout avec cet album. C'est un bonheur quand au début tu cherches tes premières dates et puis ça le fait, et là c'est trop bien. Et c'est un bonheur quand d'un seul coup ça commence à être des gens qui te contactent pour venir parce que voilà, c'est quand même flatteur, c'est gratuit. Et puis voilà, t'as envie d'aller toujours un peu plus loin. Qui aurait cru, en tout cas pas nous, qu'on aurait pu commencer à aller un peu à l'étranger sur des festivals comme le Desert Fest. Donc ouais, déjà c'est beaucoup beaucoup de joie. Les gens me demandent souvent si on est fatigué, et ouais un peu, parce que quand tu fais ta semaine comme tout le monde et que tout ton week-end tu le passes ailleurs sur les dates, bah ça l'est un peu. Mais d'un côté, ce que tu retiens, c'est pas du tout la fatigue. Là c'est voilà, nous, ça fait 2 ans qu'on tourne activement et là, c'est vraiment que de bonnes émotions. C'est à chaque fois, c'est des bonnes soirées, c'est des bonnes rencontres et on a juste envie de continuer d'aller plus loin. Ça amène certaines pressions, toute proportion gardée, parce que je veux dire, ce qui change pas, c'est que nous, on aime ce qu'on fait, on se fait plaisir et on a envie de continuer à faire des choses qu'on aime, que ce soit pour les prochaines compositions, les prochaines scènes, etc. Après, on peut aller que là où on nous accepte de toute façon. Mais il y a une petite pression dans le sens où il y a pas mal de gens qui ont bien aimé, qui ont vu où on a été. Et du coup, autant sur la musique, des fois on se dit, OK, pour le deuxième album, faut pas qu'on se rate, faut qu'on fasse un truc déjà que nous on aime. Et ensuite que les gens ils vont trouver que, voilà, ils vont sentir le travail parce que le premier a été bien reçu, il a été cool et ce serait trop dommage qu'on soit tous déçus déjà. Et puis voilà aussi sur les dates qu'on a pu faire, c'est moi qui m'occupe du booking et je me dis voilà, faut que je continue sur la lancée, que peut-être on arrive à aller encore plus loin et ça met une petite pression, mais en même temps c'est pas une pression négative, c'est du challenge. Et en fait tout ce qu'on a eu est vraiment juste trop motivant pour continuer. Donc ouais, c'est top. On y a mis beaucoup d'efforts et ça paye quand même beaucoup vu à quel point c'est pas facile. Donc ouais, c'est super bien. Okay. Bah tu me fais une transition toute trouvée justement par rapport à la suite pour le groupe. Donc tu es en train d'évoquer un petit peu un deuxième album. Je suppose que vous êtes en train de travailler dessus maintenant assez activement, parce que si ma mémoire est bonne, déjà au festival vous m'aviez parlé de que vous aviez écrit quelques compos et que ça avançait bien. Donc est-ce que tu peux en reparler, mais cette fois de façon enregistrée? Ouais, tout à fait. Et ben écoute, quand je t'en parlais au Hellfest, on avait le projet d'enregistrer 4 nouveaux morceaux et là on est en cours. On va les terminer dans les jours qui viennent. C'est des pré-productions, ce qu'on appelle des pré-productions. Donc, c'est des premiers enregistrements, pas aussi produits que pour un album, qu'un enregistrement final pour album. Et c'est des tests, en fait. C'est des tests pour nous, pour voir où est-ce qu'on va. C'est des tests pour faire écouter aux pros avec lesquels on travaille, pour essayer de trouver aussi nos prochains partenaires. Donc, ouais, c'est un vrai test d'avoir 4 titres aboutis. En tout cas, voilà, pour l'instant, ils contiennent les idées qu'on veut pousser sur le prochain opus, c'est-à-dire d'avoir continué sur la même idée, la même base, plutôt doom, plutôt occulte, mais de pousser un peu plus le curseur quand ça s'énerve, d'être un petit peu plus métal, autant dans l'écrit que dans les riffs, d'avoir plus de Lucie au micro, plus de jouer plus sur les deux voix, puis pousser sur les émotions, essayer de transcender ce qu'on donne et ce que l'auditeur peut recevoir. À la fois le projet d'album est complètement lancé parce qu'on a 4 nouveaux morceaux, ils sont enregistrés, donc il y a quand même un certain aboutissement dans les titres. D'un côté, on a que 4 titres et pour l'instant, voilà, on ne sait pas si on va les garder. On a plein d'idées, on en a plein qu'on veut écrire et je pense que ce serait pas mal qu'on en ait beaucoup pour choisir uniquement celles qui nous plaisent le plus pour attirer sur un album. Mais en parallèle de cette tournée qui se prolonge, il y a de l'écriture qui se fait et on a bon espoir. Le projet est vraiment lancé. À un moment donné, on se disait, putain, mais quand est-ce qu'on va avoir le temps d'écrire? Parce qu'il y a vraiment eu des périodes où en fait on faisait tellement de concerts qu'on se disait mais... Et en fait on s'est un peu poussé, on s'est même beaucoup poussé pour sortir ça. Et puis là, voilà, en ayant un petit peu plus de temps, clairement le projet est lancé. Et là, tu sais, tu le sens quand t'es pas du tout dynamique d'écriture. Tu fais des concerts et puis là, faut écrire, c'est trop bizarre en fait. T'as pas le truc qui sort. Et là, en fait, on est plus dans l'état d'esprit de ok, il y a une partie de toi qui se met à l'intérieur dans le cocon, comme si je puis dire, et puis là ok, il y a des trucs plus d'intérieur qui se mettent en œuvre, et des petits mécanismes qui font ah ouais, il y a tes idées et tout, je veux trop écrire ce truc là machin et tout, et puis il y a de la matière qui se développe. Donc ouais, ça donne trop envie de continuer, j'aimerais pouvoir y passer plus de temps, mais c'est bon. Ah, écoute, on a, je pense, tous hâte d'entendre justement au moins les premiers titres, mais c'est pour bien, enfin, c'est pour plus ou moins bientôt, donc. Ouais, on aimerait idéalement qu'il y ait des choses qui sortent déjà deuxième semestre 2026, fin 2026, donc on va voir. Ok. Ben on va terminer en parlant un peu de vos actus un peu plus concerts. Où est-ce qu'on peut vous voir? Donc là tout à l'heure en off, on parlait d'encore de quelques festivals d'été. Donc je t'en prie, tu peux nous en parler, mais après n'hésite pas même à te projeter un peu plus loin. Hein, parce que en termes de temps de sortie, par exemple le Silac, tu vois, je sais pas si vous aurez joué avant ou si ouais. Ou pas. Je vais essayer de sortir ça le plus vite possible, mais ouais. Voilà. Mais vas-y, parle-nous des concerts qui vous restent. Ça marche. Bah écoute, au niveau de l'été, on a été assez gâtés. Donc là, on s'est parlé. De toute façon, c'était la Purple House Duel Fest. Donc ça, c'était très cool. On a pu embrayer sur le CAF Fest. Et à l'heure à laquelle on se parle, on va bientôt se diriger vers Bergerac pour aller jouer au K-Rock. Et ça, c'est le 1er août, le 3 août, le Silac, qui est pas très loin de Lyon. Donc là, c'est quand même de chouettes festivals d'été avec de chouettes affiches. Donc là, je vous encourage à découvrir, pour ceux qui connaissent pas. Et on a la grande chance de pouvoir continuer cette saison des festivals sur un peu toute l'année, en fait, parce qu'on va jouer près de chez nous, dans le 77, au Farago Rock Fest, le 27 septembre. Ensuite, on ira le 3 octobre au Lunatic, qui sont à Rennes, où il y a aussi, sur ces festivals de super affiches. En octobre aussi, le 17 octobre, on sera au Desert Fest Anvers, qui est un peu, pour moi en tout cas, la mecque de tout ce qui est stoner doom sludge psyché en Europe. Donc très content de ça. Un beau festival aussi dans 78, mi-novembre, 14 novembre, qui s'appelle Food Rock. On partagera l'affiche avec Mars Red Sky et Stone Jesus. Voilà. Donc là aussi, il y a deux journées de festival. Vraiment, allez découvrir. C'est un festival qui est plutôt à taille humaine, en intérieur. Donc là, je pense que ça. Je ne vais pas parler de mon cas, mais en tout cas, pour les groupes qui seront aussi sur la scène, je pense que ça vaut vraiment le coup d'aller découvrir ce festival. Et puis, en tout cas, pour l'instant, ça va être tout. Pour 2025, il y a des choses déjà qui commencent à se programmer pour 2026, mais bon, c'est pas encore ni annoncé ni tout à fait certain, donc voilà. Mais encore une belle petite fin de saison pour nous sur les festivals, en tout cas. Ah, c'est top. Puis bon, il y a juste à vous suivre sur vos réseaux pour voir d'autres dates qui arriveront potentiellement plus proches des gens, si jamais ce que tu as cité là est encore un peu loin. Ouais, on fait régulièrement la pub de tout ça sur Instagram et Facebook, donc n'hésitez pas à suivre. Antoine, merci beaucoup. Merci à toi. Je ne sais pas si tu as encore envie de parler de quelque chose qui te tient à cœur ou de compléter quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué ensemble, que j'aurais oublié. Non, et... écoute... On a parlé de beaucoup de choses. Merci déjà à ceux qui vont regarder cette interview. Merci de ceux qui nous ont découverts et qui nous suivent. N'hésitez pas à écouter Witcher Youth et tous les groupes de la scène, parce que la scène émergente française est vraiment ultra riche. Et puis je parlais de reconnaissance. Donc la reconnaissance, elle est aussi énormément envers les médias comme toi qui parlent de nous. Donc un grand merci Nico pour l'interview. Merci à Reporters of Health. Et puis hâte de partager cette interview quand elle sortira. Merci beaucoup Antoine, à bientôt. Salut, merci.